إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 28 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et hier on a lu le hadith. On a commencé l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le chapitre 5 du livre Kitab al-Tawhid, c'est Bab al-Dua ila shahadati la ilaha illallah, c'est-à-dire le chapitre de l'appel au témoignage de la ilaha illallah. Et on a lu le deuxième hadith qu'il a mentionné, le cheikh, c'est le hadith rapporté selon Sahl ibn Sa'd, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Khaybar, il a dit qu'il allait donner le drapeau ou la bannière à un homme que Allah aime et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime et qui aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit que dans le hadith ça explique que les gens avaient tous souhaité que ce soit eux, chacun d'entre eux souhaitait qu'il soit la personne qui allait recevoir ce drapeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le lendemain matin, tout le monde se sont précipités pour savoir c'est qui, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner ce drapeau ou cette bannière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pour Ali ibn Abi Talib et les gens ont dit qu'il était malade, il avait quelque chose aux yeux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on le fasse venir et il est venu et il a mis sa salive dans les yeux de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et il a été guéri automatiquement. Il a été guéri automatiquement après cela. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des indications ou des conseils à Ali, des règles à suivre lorsqu'il allait partir. Il a dit qu'il allait partir, il dit vas-y doucement et calmement, sans faire de bruit. Et lorsque tu arrives près de leur forteresse ou leur muraille, appelle-les à l'islam. Appelle-les à l'islam. Et informe-les du droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur eux par rapport à cette religion. Parce que il a juré, il a dit en disant, par Allah, je te jure que si Allah guide par toi une seule personne, c'est meilleur pour toi que tous les chameaux rouges ou que les meilleurs biens que les gens peuvent posséder dans cette vie. D'accord? Donc ça c'est le hadith. Et donc on a expliqué une bonne partie du hadith hier. On est arrivé à expliquer, ou à la partie où le chef explique فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Ali ibn Abi Talib le drapeau ou la bannière. Et il dit le chef فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ, il lui a donné. ثُمَّ إِنَّهُ sallallahu alayhi wa sallam أَرْشَدَهُ وَأَوْصَاهُ عَلَى عَادَتِهِ sallallahu alayhi wa sallam مَعَ قُوَّادِهِ وَأُمَرَائِهِ أَنَّهُ كَانَ يُوصِي الْقُوَّادِ وَالْأُمَرَاءِ حينما يبعثهم فهذا فيه دليل على أن ولي الأمر يوصي قواده ويخط لهم الخطط النافعة التي يسيرون عليها في مهمتهم لا يتركهم لأنفسهم يذهبون بدون وصية وبدون إرشاد وبدون وضع خطة يسيرون عليها. Le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à Ali ibn Abi Talib comme c'était dans son habitude, qu'est-ce qu'il faisait d'habitude avec les chefs de l'armée, à chaque fois qu'il y avait par exemple une armée ou un bataillon, quelque chose comme ça, eh ben, il a toujours, à la tête de ce groupe-là, il a toujours un chef, et donc il donne au chef de ce groupe, au chef de cette troupe, de cette armée, il donne toujours quelques conseils à suivre, des règles, des consignes. Et donc c'était ça son habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça ce qu'il a fait ici dans ce hadith-là, comme on a pu voir avec Ali ibn Abi Talib. Et il dit qu'il y a donc dans ça une preuve que le dirigeant des musulmans, le chef de l'État dans un pays musulman, il doit donner des conseils à ses commandants dans l'armée, etc., pour leur donner des règles à suivre et des plans à suivre qui seront bénéfiques pour eux et qu'ils vont suivre dans leur objectif. Et ils ne les laissent pas partir par eux-mêmes faire ce qu'ils veulent. Ok? Donc ils ne les laissent jamais partir sans leur donner des conseils et des consignes et des règles et sans les orienter et leur donner un plan, etc. قال وقال انفذ على رسلك انفذ يعني امضي على رسلك يعني على هنيئتك لا تتسرع في المشي ولا يكون هناك أصوات وصخب بل يكون هناك هدوء تام يسير بالرفق فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد وترك العجلة ورفع الأصوات لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة ويدل على التدبر في الأمر وعدم العجلة والتسرع بخلاف الطيش والركض ورفع الأصوات فإن هذا يدل على الجبن ويدل على عدم الثبات. Le Cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à Ali ibn Abi Talib qu'il devait partir doucement, avec calme, avec paix, en paix, de ne pas partir en faisant du bruit, ou en criant, ou en se précipitant, ou en étant pressé, etc. Donc il faut qu'il y ait une paix et un calme, et qu'il parte en douceur. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que dans le djihad, il faut qu'il y ait de la douceur, et c'est-à-dire du calme. C'est pas en criant ou en levant la voix ou en faisant du bruit, parce que ça quand on est comme ça, quand on est posé et quand on est calme, on marche doucement, ça montre que on est ferme et en même temps ça montre qu'on est courageux, et ça montre aussi que nos affaires sont bien calculées et bien organisées, on se précipite pas puis on n'est pas comme énervé, contrairement à ceux qui veulent faire du bruit, puis qui veulent courir, puis qui veulent crier, puis faire du bruit, comme dans certains groupes, ou dans comme les gens de la Jahiliya avant l'Islam, c'est comme ça qu'ils faisaient quand ils partaient en guerre, ils faisaient beaucoup de bruit, ils faisaient, criaient, ils faisaient des choses comme ça, et ça montre en fait la peur, et ça montre que les gens sont pas fermes, sont pas courageux. D'accord, c'est une manière pour camoufler leur peur. Ils crient, font du bruit comme ça. Après, le cheikh il dit: حتى تنزل بساحتهم الساحة يراد بها ما قرب من المكان أي حتى تنزل قريبا من الحصن أو من الحصن وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبا من البلاد المحاصرة ويقربون منها وقوله ثم ادعوهم الى الاسلام هذا محل الشاهد من الحديث للباب باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. Donc le cheikh il dit que le prophète Rasoul a dit à Ali par la suite: va jusqu'à ce que tu arrives proche de là où ils sont, de leur muraille, et tu par la suite, le cheikh il dit, t'arrives tout près. Et donc ça montre que les mujahidines, les gens qui vont combattre pour élever la parole d'Allah, lorsqu'ils vont, ils doivent se rapprocher de l'endroit qu'ils veulent assiéger. D'accord? Et après il dit, قَوْلُهُ ثُمَّ دْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. Il dit, premièrement, appelle-les à l'islam. Ça c'est la première chose que les gens doivent faire. Et c'est ça le but en fait d'avoir mentionné ce hadith-là dans ce chapitre, parce que le chapitre, c'est le chapitre de l'appel à l'islam, ou d'appeler les gens au témoignage de la ilaha illallah. Donc c'est pour cette raison-là que le cheikh a mentionné ce hadith-là dans ce chapitre-là en particulier. Après le cheikh il dit فأدعوهم من الإسلام يعني هذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام وأن العدو يدعى قبل أن يقاتل ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة. الشيخ الذكر فكان البروفيس صلى الله عليه وسلم دي en premier appelle à l'islam. Il y a dans ça la preuve que c'est obligatoire d'appeler les gens à l'islam, et que lorsque on combat l'ennemi, avant de les combattre, il faut les appeler à l'islam en premier, d'accord? Appeler les gens à l'islam, c'est obligatoire. On ne peut pas les commencer à les combattre avant de les avoir appelés à entrer dans l'islam et de leur avoir expliqué qu'est-ce que c'est l'islam. C'est ça que le cheikh explique. Il dit « والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وهذا هو الإسلام الانقياد من انقياد مع خضوع وتعبد لله فمن لم يستسلم لله كان مستكبرا ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا ومن استسلم لله وحده كان موحدا مسلما. Le cheikh explique la signification de l'islam en général, ça dit pas en général mais en résumé. La définition résumée de qu'est-ce que signifie l'islam, c'est de se soumettre à Allah. C'est la soumission à Allah par son unicité, en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala. Bittawhid. Al-istislam lillah, bittawhid. Donc tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans la croyance. Ensuite, al-inqiyad lahu bittaa. Ensuite, tu dois te soumettre à lui dans l'obéissance également, dans tes adorations et dans ton obéissance. C'est ça l'islam, al-istislam ou al-inqiyad et al-khulus min al-shirk wa ahlihi. C'est-à-dire que tu dois te désavouer et te débarrasser de toute forme d'idolâtrie ou de shirk, et tu dois également te désavouer de tous ceux qui font le shirk et qui pratiquent ce shirk. D'accord? C'est pas juste, tu dis, ah, moi je suis contre le shirk et je rejette le shirk, puis que tu t'allies avec ceux qui le font. Tu dois en même temps te désavouer de ceux qui le font et prendre une position vis-à-vis d'eux, une position vis-à-vis d'eux de désavouement. Après il dit que si tu t'es soumis à Allah et à autre que Allah en même temps, donc tu es un mouchrik. C'est-à-dire que tu t'es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps tu t'es soumis à d'autres que lui. Dans ce cas-là, tu es un mouchrik. Ou si tu t'es pas soumis à Allah du tout, eh bien dans ce cas-là, tu es un mustakbir. C'est-à-dire que tu refuses de te soumettre à Allah, dans ce cas-là, tu es une personne orgueilleuse. Fière et orgueilleuse, tu as refusé de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui se soumet à Allah lui seul, il est un mouahid et un musulman. Celui qui s'est soumis à Allah seul, lui c'est lui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala et qui est musulman. Donc ça c'est un petit résumé de qu'est-ce que c'est l'islam, une petite définition courte et résumée. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه من حق الله تعالى فيه يعني اشرح لهم معنى الإسلام وبينه لهم وما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أركان الإسلام فلا يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملا كما يثرثر به بعض الدعاة اليوم ممن يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام ولو تسألهم ما هو الإسلام ما استطاعوا أن يعرفوه فكيف يدعون إلى شيء وهم لا يعرفونه الذي يدعو إلى الإسلام لا بد أن يعرف الإسلام ما هو ويبينه للمدعوين ويشرحه لهم وإلا ما معنى أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. Le cheikh il dit que c'est obligatoire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Ali dans ce hadith, informe-leur qu'est-ce qui est obligatoire pour eux comme par rapport au droit que Allah a sur eux. Et ça veut dire, explique-leur la signification de l'islam. Clarifie-leur la signification de l'islam. Et qu'est-ce qui est obligatoire pour eux des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, et d'autres parmi les piliers de l'islam. Ce n'est pas suffisant de les appeler à l'islam d'une façon générale et d'une façon globale, sans rentrer dans les détails. Il faut expliquer les choses d'une façon plus spécifique, hein, comme certaines parmi les personnes aujourd'hui qui sont connues comme étant des gens qui appellent à l'islam, ils appellent uniquement à un islam d'une façon générale, c'est-à-dire ils n'expliquent pas les choses qui ont rapport à la définition spécifique de l'islam, qu'est-ce que c'est. Ils font juste parler de l'islam en général, ok. Et donc ces gens-là, si tu leur demandes c'est quoi l'islam, ils ne peuvent même pas te l'expliquer ou te répondre. Alors tu leur dis, comment vous pouvez vous-même essayer d'expliquer l'islam alors que vous-même vous n'avez pas su ce que c'était l'islam, hein. Donc celui qui veut appeler à l'islam, eh bien, en premier il doit savoir lui-même qu'est-ce que c'est, et il doit le clarifier à la personne qu'il appelle, hein. Il doit leur expliquer en détail qu'est-ce que c'est l'islam. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire, appelle-les à l'islam, et informe-leur qu'est-ce qui est obligatoire pour eux parmi les droits qu'Allah a sur eux. Et donc ça c'est, comme le cheikh a dit, ça c'est une réalité actuellement chez beaucoup de gens qui appellent à l'islam. Ils appellent à l'islam d'une façon vraiment vague, rien de clair, rien de spécifique. Ils vont pas expliquer la réalité de qu'est-ce que c'est cet islam. Écoutez maintenant qu'est-ce que le cheikh dit. ذي أما الإسلام المجمل فكل يقول إنما هو عليه هو الإسلام من الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة كل يفسر الإسلام بمذهبه وكلمة الإسلام غطاء كل من يدعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة القديانية والباطنية والقبورية وغيرهم من الطوائف المنحرفة كلهم يدعون أن الإسلام هو ما هم عليه، ولكن لو شرح الإسلام بأنه التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من المشركين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، حينئذ يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام المزيف، وهذا لا يريدونه، ولا يريدون أن يبين الإسلام على حقيقية، لأنه يتبين بطلان ما هم عليه. الشيخ explique, il dit, en ce qui concerne l'islam, qui est expliqué d'une façon vague, qui est expliqué d'une façon vraiment juste, d'une façon générale, comme juste parler du mot islam, sans rentrer dans qu'est-ce que c'est l'islam, la réalité de l'islam, eh ben, il faut savoir que tous les groupes égarés et déviés actuellement, et même parmi eux qui sont même en dehors de l'islam, eh ben, tous ces groupes-là aujourd'hui, ils disent qu'ils appellent à l'islam. Et ils disent que ce qu'ils pratiquent, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'islam. Hein? Tout le monde, ou tous ces groupes-là, ou tous ces sectes, essaient de dire que ce qu'ils suivent de l'islam, c'est ça la réalité de l'islam. Donc ils utilisent le mot islam pour essayer de camoufler ce qu'ils cachent de déviation et d'égarement. Okay? Vous rencontrez par exemple, comme le cheikh il donne des exemples, tous les groupes déviés, parmi eux qui sont déviés, qui sont complètement, soit parmi eux qui sont déviés, seulement comme dans le sens qu'ils ont des égarements, des formes de déviation, ou bien qui sont en dehors de l'islam complètement, comme par exemple Al-Qadianiyya. Al-Qadianiyya, c'est un groupe qui croit qu'il y a un autre prophète qui est venu après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme en Inde qui s'appelait Ghulam Ahmad. Et ces gens-là, ils ont des mosquées ici au Canada et dans le monde entier. Et c'est une des sectes qui se propage dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Ils s'appellent des fois Ahmadiyya ou bien on les appelle aussi Qadianiyya. Ici au Canada, je pense qu'ils ont une des plus grandes mosquées au Canada. C'est des gens d'origine de l'Inde. Hein? Leur prophète, ils disent qu'il s'appelait Ghulam Ahmed. Je pense que leur mosquée c'était à Edmonton ou quelque chose comme ça. Et eux ils disent que Ghulam Ahmed en Inde, durant la colonisation anglaise, eh bien il s'est déclaré prophète. Et il disait aux gens que le djihad ça fait pas partie de l'islam, qu'il faut obéir aux anglais, etc. Donc ça c'était à une période. Il s'est prétendu prophète lui-même. Donc il s'est prétendu le Mahdi ou quelque chose comme ça aussi, ouais. En tout cas, bien sûr ce sont des koufars, mais ces gens-là, ils rejettent la sunna complètement. En tout cas, ils ont beaucoup de croyances déviées, complètement déviées. Naam. Et ils sont là en train de dire qu'ils sont musulmans et appeler les gens à se convertir avec eux. Hein? Ils donnent cet exemple-là. Je vous donne un autre exemple que le chef il n'a pas mentionné, mais ça compte là-dedans aussi, le groupe des ceux qui s'appellent Nation of Islam, hein? Les groupes qui suivent Louis Farrakhan. Eh bien, ça c'est un groupe de Noirs aux États-Unis. Hein? Ils disent que Elijah Muhammad c'était un prophète. Hein? Qui est venu à Détroit, au Michigan, pour enseigner aux Noirs la réalité de l'islam. Et que Farg, un homme qui est venu qui était Dieu en personne, qui est venu sur la terre pour enseigner à Elijah Muhammad l'islam. Hein? Donc ça, c'est ça leur religion. Maintenant, ils utilisent le nom de l'islam pour se camoufler derrière ce nom-là parce que ça leur donne une crédibilité. Et après ça, ils prétendent que ce qu'ils appellent les gens à suivre, c'est l'islam. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils enseignent, ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Hein? Donc, ça c'est cet exemple-là. Il y a les Qadianiyya aussi, comme les Ismaïlites et d'autres groupes comme ça, Faramita, Ismaïliya et d'autres, qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est des gens qui ont complètement quitté la religion musulmane, mais qui se disent musulmans. Hein? Et donc c'est pour vous dire que... Hein? Al-Ibadiyya, ça c'est un groupe de Khawarij, ils sont pas en dehors de l'islam, mais c'est un groupe de Bid'ah, parmi les groupes de Khawarij, ils sont en Algérie, ils sont dans d'autres pays aussi, à Amman aussi, Al-Ibadiyoun, on les appelle en Algérie, ils appellent les Mozabites, hein, dans une ville qui s'appelle Gharbaya, qu'ils sont je crois, ok? Bon, mais c'est ça, eux ils suivent l'amir de Amman, qui est en Amman, et ils disent que c'est lui, Amir al-Mu'minin. Et donc, ces gens-là sont des Khawarij, une des sectes de Balal. Ils déclarent, tous ceux qui ne sont pas avec eux, que c'est des koufars. Hein? Ils ne prient même pas derrière un imam qui n'est pas avec eux. Ou ils prient tout seuls. Hein? C'est des groupes de Balal. Hein? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un signe de déviation, regarde. Parmi les exemples des Ibadiyoun. Et ça c'est un exemple, mais le chef, il a mentionné quelques groupes comme aussi Al-Quburiyya. Al-Quburiyya, les gens qui adorent les tombeaux, hein, parmi les groupes de Soufiya, qui adorent les saints et les tombes et tout ça. Donc eux aussi font partie des gens qui se disent musulmans et qui sont en dehors de l'islam. Et maintenant, quand il y a des non-musulmans qui sont intéressés à connaître la religion, hein, qu'ils commencent à entrer en contact avec ces gens-là, hein, et bien ces gens-là les appellent à leur version de l'islam et à leur forme de l'islam. Et c'est pour ça que le cheikh il explique, il dit, ces gens-là ils veulent pas qu'on rentre dans les détails pour expliquer la réalité de la religion musulmane et la réalité du tawhid et des fondements de l'islam et de la sunna, parce que ils savent que si l'islam est expliqué dans sa réalité et dans sa profondeur, ces gens-là vont être démasqués. Et les égarements que ces gens-là prêchent vont être dévoilés. Et donc, eux, ils veulent pas ça. Donc, ils veulent uniquement qu'on appelle à soi-disant le mot islam, et on parle de l'islam d'une façon vague et générale. Oui, il y en a qui vont dire, comme tu dis, l'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour, l'islam c'est ci, c'est ça. Mais sans rentrer dans les textes, sans rentrer dans les preuves, sans rentrer dans les explications détaillées. Hein. Non, l'islam, une de ses significations, c'est la paix, mais ça vient dans les fruits, disons, que produit l'islam. Mais c'est pas la définition du mot islam, c'est pas la paix. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. Donc ça c'est la définition que les sheikhs ont expliqué. Maintenant tu demandes à des musulmans c'est quoi l'islam, beaucoup de musulmans ne peuvent pas te répondre. Mais c'est ça ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire de soumettre à Allah avec le tawhid en appliquant son unicité, de se soumettre à lui aussi par notre obéissance et de se désavouer du shirk et des gens qui le font. Pardon. Et donc ça c'est des groupes comme on a dit, des groupes qui se disent musulmans ils n'ont rien à voir avec l'islam. Hein? Là, je parlais, comme je disais à un frère, je sais pas si j'ai dit ça à l'autre cours, dernièrement, mais il y a des frères, j'étais en train de manger avec des frères qui venaient du Sénégal, subhanallah. Mais eux sont des soufis de la tariqa tijaniya. Maintenant, j'ai réalisé qu'ils sont en train d'appeler à quelque chose d'autre. C'est une forme d'afrocentrisme, mélangé avec le soufisme, et une sorte de nationalisme en même temps, un petit peu fierté nationaliste. Et la façon dont je leur ai parlé, je sais pas si j'ai mentionné ça l'autre jour, non j'ai pas mentionné ça. Ah mais ok, c'est ça, il y a Cheikh Mohamed Aman, il a expliqué souvent que il y a des chouyouks en Afrique qui font la da'wah et qui expliquent aux gens l'islam, la réalité, la sunna, qu'est-ce que c'est vraiment. Et ça a dérangé beaucoup certains soufis là-bas. Dans certaines régions de l'Afrique. Et à l'extérieur de l'Afrique aussi, il y a les mêmes choses. Mais en Afrique, l'exemple s'est passé en Afrique, donc il racontait cette histoire-là. Il dit qu'il y a un groupe de soufis qui se sont tous réunis contre ce cheikh, parce qu'il était en train d'éduquer les jeunes et de leur enseigner l'islam, le tawhid et la sunna. Alors, ils se sont tous mis contre lui, pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues dans son enseignement. Alors, ils sont allés voir le dirigeant ou le chef de ce pays pour essayer de lui dire, écoutez, celui-là il est en train de faire du désordre chez les jeunes, il est en train de nous opposer et il parle et il dit des choses qui vont en contradiction avec ce que nous on a toujours appris, donc on voudrait que vous arrêtiez cet homme-là de prêcher qu'est-ce qu'il prêche au nom de l'islam. Donc le chef de ce pays-là, le dirigeant de ce pays-là, c'était un militaire, il a réuni tout le monde, les soufis et le chef, et il leur a demandé comme une sorte de juge, il s'est placé comme une sorte de juge. Ouais, c'est ça, c'est un pays qui n'était pas musulman. Et lui, il n'est pas musulman, ce militaire, ce chef d'État, il n'était pas un musulman. Toutefois, il s'est placé comme un juge entre les deux groupes, ok. Et donc, le chef, il a dit, bon, qu'est-ce que vous lui reprochez à celui-là pas le chef, mais le chef, il a dit, qu'est-ce que vous reprochez à ce chef. Eh ben, les soufis, ils ont dit, ah ben lui, il est en train de nous contredire, puis de faire des choses qui sont contraires à ce qu'on a toujours suivi. Et il a dit, le chef de ce pays a dit, bon, vous, où est-ce que vous avez appris l'islam? Il a dit aux soufis, vous, où est-ce que vous avez appris l'islam? Il a dit, nous, on a appris l'islam ici. On a appris l'islam de génération en génération ici, dans notre pays, et donc on se transmet cette connaissance-là. Puis on n'est pas sorti ailleurs pour apprendre. Et il a dit au chef, qui était salafi, il lui a demandé, et toi, où est-ce que tu as appris l'islam? Il a dit, moi, j'ai étudié à Mecca et à Medina, l'islam à la Mecque et à Médine. Il a dit, est-ce que tu as un diplôme pour dire que tu as étudié dans ces endroits-là? Il dit, oui, j'ai gradué, puis j'ai reçu un diplôme d'études de ces universités-là. Hein? Alors, le chef de l'État a dit, ben, regardez, vous êtes en train de le critiquer, vous avez étudié l'islam ici, vous n'êtes jamais sorti, tandis que lui, il est parti, il est allé retourner et étudier l'islam à sa source, à l'endroit d'où l'islam est parti à l'origine. Vous, votre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient de Médine et de Mecca, hein. Et lui, il est allé étudier l'islam de l'endroit là où vient votre prophète. Tandis que vous n'êtes jamais sorti de votre pays, vous avez étudié l'islam ici. Et donc il a dit, je crains que la même chose qui est arrivée à nous les chrétiens est arrivée à vous les musulmans, c'est-à-dire que nous, nous les chrétiens, quand on est allé étudier en Europe, on a vu les églises des prêtres et tout, comment ça se passe là-bas, et quand on est revenu ici, on a vu que les prêtres africains avaient rajouté plein de trucs dans la religion chrétienne qui ne faisaient pas partie des croyances réelles de la religion chrétienne. Je crains que vous avez fait la même chose avec la religion musulmane, vous avez entré dans la religion musulmane des choses qui ne font pas partie des enseignements réels de la religion et vous les prêchez comme étant l'islam. Il a dit par la suite, je vous interdis de vous opposer à lui. Hein, et vous devez le laisser prêcher en toute liberté et enseigner l'islam en toute liberté comme il veut. Et donc, à partir de ce jour-là, ils ne l'ont plus jamais embêté et cette histoire-là s'est répandue, c'est devenu très célèbre dans toute la région. Maintenant, quand j'ai raconté cette histoire au frère qui était avec moi, qui était du Sénégal, eh ben, eux ils ont dit, mais alors, qu'est-ce que tu racontes? L'islam vient au Sénégal, c'est là qu'il y a l'islam. C'est plus à Mecca et Medina maintenant, c'est fini. Maintenant c'est chez nous au Sénégal qu'il y a l'islam. Et ça m'a rappelé l'histoire que j'avais entendue des gens de Djamat Tablir qui disaient, qui ont dit à celui qui voulait étudier l'islam à Médine, va pas à Médine, viens en aide, c'est là-bas qu'il y a la lumière de l'islam. La lumière de l'islam, elle a été enlevée de Mecca et de Medina et maintenant elle a été mise en aide. Mais là, eux sont en train de dire la même chose, l'islam, la lumière de l'islam, elle est au Sénégal, elle n'est plus à Mecca et à Medina. Donc, quand j'ai entendu ça, j'étais un peu dérangé par ça, mais tu vois, donc c'est tous comme ça maintenant. Ils sont tous en train de rabaisser puis de dénigrer qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passe à Mecca et à Medina. Pour eux, il n'y a plus de... Parce que c'est des gens qui font partie de sectes ou de turq soufis, étant donné que c'est dans leur pays que ces turqs-là sont plus actives et plus fortes, hein, et qu'elles ne sont pas présentes ou presque pas présentes dans les pays, dans les terres saintes comme Mecca et Medina, eh bien eux, ils considèrent que à Mecca et Medina, ça ne compte pas parce que leur secte n'est pas présente là-bas. D'accord? Et donc, ça c'est juste pour vous montrer des fois comment certaines personnes peuvent déformer la réalité de l'islam pour essayer de justifier leur propre idée ou leur propre façon de comprendre l'islam. Donc pourquoi je disais ça? C'est pour dire que des gens donnent une fausse image comme ça, parce que cette personne dont je parle là, qui vient du Sénégal, c'est un des personnes qui est dans la famille de descendant de la famille d'Ibrahim Niass, qui est un des chouïrs soufis au Sénégal. Et ces gens-là, ils sont en train de, comme par exemple quand j'ai parlé avec eux de Al-Hajj Omar, il est parti à Mecca, à Medina faire le Hajj, et en revenant il s'est arrêté à Al-Azhar, il est resté là-bas quelques temps. Et j'ai expliqué qu'en Algérie il y avait les Tidjaniyas, et les Tidjaniyas en Algérie, ils se sont mis avec les Français pour combattre contre les musulmans, alors qu'au Sénégal, les Tidjaniyas se sont mis contre les Français. Et là, je lisais un livre qui avait été écrit par un cheikh au sujet de cette tariqa, et il essaie d'expliquer pourquoi les Tidjaniyas en Algérie, ils n'ont pas agi de la même façon que les Tidjaniyas au Sénégal. Et l'explication qu'il avait donnée, c'est que parce que Al-Hajj Omar, il est resté en Al-Azhar pendant quelque temps, et donc il avait appris certains aspects du fiqh et certains aspects de la religion, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et donc quand il est retourné, il a voulu appliquer le djihad et des choses comme ça contre les Français, contre les Koubouriens, ou pas les Koubouriens, mais les animistes et les autres, oui. En réalité, bon, il était là-bas en mission pour prêcher ou répandre sa tariqa, avant tout, la tariqa Tidjaniya, mais comme on voit qu'il a été inspiré ou influencé par certaines règles de l'islam. Donc, quand je leur ai dit ça, ils ont dit, mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Al-Hajj Omar, quand il est allé à Al-Azhar, c'est lui qui leur a enseigné l'islam là-bas. Et Et non seulement ça, ils voulaient même plus le laisser partir, tellement ils avaient aimé sa science et tout. Donc, comment ils détournent ou déforment la réalité, la situation. Disons qu'ils ont coopéré ensemble. Mais les Européens sont intelligents d'une certaine façon, sont rusés, disons plutôt. C'est que avant de rentrer, ils étudient les fractions, les différents groupes qui sont là pour voir qui ils peuvent utiliser parmi ces groupes-là, qui serait capable de les aider. Ouais, c'est ça, ils font toujours ça jusqu'à maintenant. Non, les Khawarij, je leur donne un coup de main en même temps directement. Mais c'est juste pour vous faire comprendre tout ça que, et allez, pour revenir à notre cours, hein, tout ça, c'est pour dire qu'ils refusent qu'on explique la réalité de l'islam, hein, la réalité de la sunna. Moi, je me souviens une fois, j'avais donné un discours à la mosquée sunna la dernière fois, je crois, ça fait 2 ans, 3 ans, j'avais parlé de la sunna, puis d'abid'a, des choses comme ça, pendant le ramadan. Oui. Après, le lendemain ou quelques jours après, il y a quelqu'un qui était là, qui m'a vu, au travail, qui est venu me parler, m'a dit, je pense pas que tu devrais spécifier les détails de ces choses-là, il faut pas que tu parles de l'islam en détail, il faudrait que tu parles juste de l'islam d'une façon générale, d'une façon vague. Donc ça explique aussi, parce qu'il y a des gens qui cachent des choses, puis quand on décrit l'islam d'une façon plus claire et plus spécifique, ça les dérange. Donc le cheikh il dit, que quand on va expliquer aux kuffars les détails de l'islam et que ça veut dire d'établir le tawhid, l'adoration pour Allah lui seul, et qu'il n'a pas d'associé, et qu'on doit se désavouer des mushrikin, et qu'on doit établir la salat, et donner la zakat, et jeûner le mois de ramadan, et qu'il faut faire le hajj vers Baytullah al-Haram, et qu'il faut rendre toutes les formes d'adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, on ne doit pas sacrifier pour autre que Allah, on ne doit pas faire des vœux excepté pour Allah, et on ne doit pas chercher le secours et le refuge excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on explique l'islam de cette façon-là, eh bien ça devient maintenant clair par la suite, c'est quoi le vrai islam, puis c'est quoi cet islam déformé et dévié que ces gens-là essaient de propager. Hein? Donc, des fois, il y a des musulmans qui disent, parle pas avec les non-musulmans des différentes sectes qui existent parmi les musulmans. Non. Oui. Quand tu parles avec des non-musulmans, explique-leur pas les différents groupes, les différentes sectes, les différences entre tous ces gens-là. Parce que, si tu leur dis ces choses-là, ils vont voir que les musulmans sont divisés, qu'ils sont pas unis. Et donc, c'est mauvais pour l'image des musulmans et mauvais pour l'image de l'islam. Et les chouyouk et les ulama, au contraire, ils ont expliqué, ils ont dit non, au contraire, c'est bon si vous parlez aux non-musulmans que vous leur distinguiez la différence entre tel et tel secte et tel groupe. C'est quoi la da'wa de ce groupe, c'est quoi la da'wa de tel groupe et de l'autre, pour que les gens sachent la différence entre le vrai islam et qu'est-ce que ces gens-là appellent. Et pour qu'ils sachent que ce que ces gens-là invitent les gens à suivre, eh ben ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la sunna. Hein? Et au contraire, comme les chouyoukhs ont expliqué, ça ne fait pas montrer aux musulmans qu'ils sont faibles, mais au contraire, ça fait montrer en même temps que le vrai message de l'islam, c'est là-dessus qu'on doit se baser si on veut avoir la force, en fait. Et que les musulmans, s'ils clarifient aux non-musulmans la réalité de l'islam, ils vont l'accepter parce que c'est le message de la fitra. C'est ça le message de la fitra, le tawhid. Hein. Et ça c'est au fond du cœur de chaque homme, que Allah c'est lui seul le créateur et que c'est lui seul qui doit être adoré, rien d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme par exemple les Khawarij, les groupes qui font des actes de terrorisme, des trucs comme ça, c'est bien quand tu expliques aux non-musulmans que ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam dans qu'est-ce qu'ils font. Quand tu leur parles des soufis, hein, et qu'est-ce qu'ils font dans leur mosquée, hein, et que tu clarifies que ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est bon pour eux de savoir ça aussi. Et c'est bon de savoir que les gens qui vont dans les tombes, dans les pays musulmans, pour invoquer et adorer les saints, et sacrifier des animaux pour eux, et leur demander l'intercession en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon d'expliquer aux non-musulmans que ce que ces gens-là font, c'est du shirk, et que c'est contrairement opposé à l'islam. Comme ça, ils vont pas être confus et mélangés par la suite pour dire, mais comment ça se fait, vous, les musulmans, vous enseignez quelque chose, c'est écrit dans le Coran, et puis on voit que vous faites des choses qui sont en opposition à ça. Et donc, ils vont comprendre par la suite qu'il y a des gens parmi les musulmans qui sont déviés. C'est pas juste, comme certains disent, ah, la communauté musulmane, on est tous la communauté musulmane. Il n'y a pas cette communauté homogène musulmane qui se dit toute être sur, en train de pratiquer toutes sortes de pratiques et de croyances différentes. Il y a les gens qui sont sur le Coran et sur la Sunna et qui suivent la voie des salafs, et il y a les autres sectes qui ont dévié de ça, hein, qui font partie des 73 sectes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils seront dans l'enfer, et qu'il y en aurait juste une qui serait sauvée, et c'est celle qui suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené ainsi que ses compagnons. Non. Ouais, exactement. Barakallahu fik. Non, c'est vrai. Comme il dit, comme il y a des, quand il voit des il y a des musulmans qui font des manifestations, tu vois les femmes qui sortent, pas de voile ou bien avec des voiles, mais qui se mélangent avec les hommes et qui font des trucs comme ça. Et puis même des non-musulmans, parfois, ils disent, mais comment ça se fait? Votre religion vous interdit de faire ça, puis vous le faites quand même. Comment ça se fait? Ben, ils comprennent pas. Eh ben, c'est pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne suivent pas nécessairement la vérité dans qu'est-ce que l'islam enseigne. De qu'est-ce que l'islam enseigne. Donc, le cheikh, il dit donc, هذا لا يريدونه. لا يريدون أن الإسلام أن يبين الإسلام على حقيقة على حقيقيته أو على حقيقته لأنه يتبين بطلان ما هم عليه. Si on clarifie la réalité de l'islam, ils ont peur que les gens vont savoir la fausseté qu'ils suivent au nom de l'islam, alors que qu'est-ce qu'ils suivent, ça n'a rien à voir avec l'islam, et ils veulent pas que les gens sachent justement que ce qu'ils pratiquent, c'est pas la réalité de l'islam. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الى الاسلام وبينوا ما هو الاسلام او نعم وبينوا ما هو الاسلام كما اوصى علي بن ابي طالب بقوله ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ولهذا لما ارتد من ارتد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم أبو بكر على قتالهم وقال قال له الصحابة ومنهم عمر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحقها وإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه فالإسلام ليس مجرد انتساب ودعوة فقط أو قول لا إله إلا الله بدون التزام بمعناها ومدلولها حتى لو كان عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من حق لا إله إلا الله فكيف بالذي لا يصلي وهو يقول أنا إنه مسلم كيف بالذي يجحد وجوب الزكاة ويقول أنا مسلم كيف بالذي يجحد وجوب الصوم ويقول أنا مسلم بل أعظم من ذلك كيف بالذي يدعو غير الله وهو يقول أنا مسلم ويدعو القبور والأضرحة ويذبح لها وينظر لها ويقول أنا مسلم هل هذا هو الإسلام؟ لشيخ الزي إلى البروفيس صلى الله عليه وسلم أبلي لي الإسلام وإكسليك لي الإسلام كما إلى إنزيكي علي بن أبي طالب دزي أن ديزا أبلي لي الإسلام وإنفرم لي كيف كو Allah a comme droit sur eux. Et le cheikh il dit que c'est pour ça que lorsque ceux qui ont apostasié l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les apostats à l'époque de Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr les a combattus et certains compagnons parmi eux Omar ibn al-Khattab ont dit à Omar, ya Omar, comment tu peux, ya Abu Bakr, comment tu peux les combattre alors que c'est des gens qui ont dit la ilaha illallah, hein? Et Abu Bakr a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit excepté pour un des droits de la ilaha illallah, hein? C'est-à-dire que s'il y a un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont pas respectés, on doit, dans ces cas-là, on a le droit de combattre celui qui refuse de donner à Allah le droit qui lui revient, et parmi ces droits-là, il y a la zakat. Et donc, eux, ils avaient refusé de payer la zakat, et donc c'était donc le devoir du responsable ou du dirigeant des musulmans de les combattre jusqu'à ce qu'ils acceptent de payer la zakat. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit, s'il refusait de me donner une iqal qu'il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je les aurais combattus jusqu'à ce qu'il la donne. L'iqal c'est quoi? C'est comme le truc qu'on utilisait, le truc noir que les bédouins mettent sur leur rotra pour la garder en place. À l'époque, ils utilisaient ça pour attacher les jambes et les pieds des chameaux pour les empêcher de partir. D'accord? Donc Abu Bakr a dit, s'il refusait de me donner une iqal qu'il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, eh ben, je les aurais combattus jusqu'à ce qu'il le donne. Donc, l'islam, c'est pas juste de dire avec la bouche de dire je suis musulman ou je suis l'islam, non. C'est pas juste de dire la ilaha illallah non plus sans appliquer et respecter la signification et ce qu'implique ce témoignage-là, hein. Le cheikh il dit, jusqu'à ce qu'il, même si c'était juste une iqal qu'il donnait, hein, il les aurait combattus. Parce que ça fait partie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça fait partie des droits de la ilaha illallah. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Si on peut dire ça pour une iqal, qu'est-ce qu'on peut dire pour celui qui refuse de faire la salat, hein, qui refuse l'obligation de la salat et qui dit qu'il est musulman, ou qui refuse de donner la zakat, ou qui refuse l'obligation de la zakat alors qu'il dit qu'il est musulman, ou qui rejette l'obligation du jeûne alors qu'il dit qu'il est musulman, ou bien plus grave encore, celui qui adore autre que Allah, qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit qu'il est musulman, et qui invoque les tombes, et qui prie les morts, hein, et qui égorge des animaux pour les morts, et qui sacrifie pour les tombes, et qui fait des vœux pour eux, hein, et qui dit je suis musulman. Est-ce que ça, tout ça, ça fait partie de l'islam? يجب أن نعرف هذا الأمر العظيم، هذا الأصل العظيم، وهذه القاعدة العظيمة، وهذا الذي يجب أن يركز الدعاة عليه. إذا كانوا يريدون أن تكون دعوتهم إلى الله دعوة صحيحة، أما إذا كانت مجرد انتساب كل يدخل تحتها ويجعل الإسلام مجرد غطاء، فهذا لا يرضي الله عز وجل وليس هو الإسلام، لأن كل يدعي أنه على الإسلام ولو كان مشركا. شيخ الدين c'est obligatoire de connaître ou de comprendre ce grand point là et cette chose là. Yani c'est très important parce que c'est un des grands fondements de la religion. C'est une des grandes règles de la religion. Et c'est là-dessus que les gens qui appellent à l'islam doivent se concentrer. S'ils veulent vraiment que leur da'wa à Allah, que leur appel à Allah soit une da'wa qui est correcte. Okay? C'est-à-dire de commencer par le tawhid et d'expliquer les fondements de la religion et la base de la religion. Mais si on veut juste se limiter à une fausse appartenance ou une appartenance vraiment vague dans laquelle tout le monde peut rentrer au nom de l'islam, il prend l'islam et il fait de l'islam comme une sorte, il utilise l'islam comme une couverture qu'on met par-dessus nous sans distinguer quelles sont les règles, quels sont les principes, quelles sont les conditions qui se rattachent à cet islam-là, eh bien, ça c'est quelque chose qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne, ce n'est pas ça l'islam. Hein, que tout le monde qui se dit musulman, hein, et qui prétend appartenir à l'islam, rentre dans l'appartenance à l'islam, même si en réalité il est un mushrik. Et qu'est-ce qu'il pratique? C'est le shirk. Hein, il y a des gens qui veulent se faire un islam sur mesure aujourd'hui, qui veulent un islam qui est en accord avec leurs désirs et leurs passions. Ils veulent pas eux se soumettre à Allah, mais ils veulent que Allah soit soumis à leurs désirs et à leurs passions. Donc ils se font un petit islam dans leur tête, dans leur cœur, qu'ils imaginent, hein, sur mesure, et après ça, ils disent, voici, pour moi, voici ce qu'est l'islam. Et ils veulent l'imposer à eux-mêmes et des fois même aux autres. On dit, pour moi l'islam, c'est ça l'islam. D'accord, mais est-ce que c'est en accord avec les textes de la religion? Est-ce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna? Est-ce que tu vas rejeter toutes ces preuves qui montrent que ce que tu dis, c'est contraire à l'islam? Hein? Donc ça c'est une question que chacun d'entre ces gens-là doivent se poser. Il y en a qui se font un islam, vont dire, ah, pour moi l'islam c'est le fait d'être en paix avec moi-même et de pas dire du mal des gens. Et puis le reste, tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Il y en a des gens comme ça, ils se font un islam comme s'il y a un islam à leur façon. Il y a pour avoir une bonne conscience avec leur péché et la déviation ou l'égarement dans lequel ils vivent. Et ça, c'est pas ça que Allah veut de nous. Allah veut de nous qu'on se soumette, et la soumission, c'est d'obéir. C'est pas juste de dire, moi je suis en train de faire quelque chose, puis que ça plaise aux autres ou non, je vais le faire. Hein? Et ceux qui veulent essayer de leur faire comprendre à ces gens-là que ce qu'ils font ou ce qu'ils croient ou ce qu'ils disent est pas correct, ils disent, ah, mais ça c'est des intégristes parce que ils veulent imposer ou forcer les autres à croire en qu'est-ce que eux ils croient. Non, c'est pas en qu'est-ce que moi je crois. Je te dis pas, si tu crois pas comme moi, t'es pas correct. Si tu dis pas ce que moi je dis, t'es pas correct. Moi je dis, si tu crois pas en ce que Allah et son messager ont dit, c'est pas correct. Et si tu crois pas comme les compagnons et comme les sahaba et les tabi'in ont cru, tu n'es pas correct. C'est ça que je dis. Et c'est ça l'islam. Parce que moi je suis juste un individu parmi les autres, parmi les musulmans, je suis pas une référence. Mais la référence c'est le Coran et la Sunna et les sahaba et ceux qui les ont suivis. C'était quoi leur aqida à eux et c'était quoi leur compréhension à eux de l'islam? Eux, c'était les gens plus près de la vérité. Donc, tous ceux qui dévient par la suite, qui s'éloignent de ce que eux ont suivi, mais ils s'éloignent de l'islam. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, le cheikh dit, al-islam wal-iman, laysa mujarrad da'wa, ou intisab, ou hawiyya, tuktabu fi hafizat al-nufus, ou yuktabu anna dir al-dawla al-rasmi, huwa l'islam wal-amal ala khilafi. ويأبى الله ذلك سبحانه وتعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لشيخ الذكر الإسلام الإيمان la foi et l'islam ce n'est pas seulement des prétentions, certaines prétentions que des gens veulent dire avec la bouche, hein, ou une appartenance soi-disant, ou une appartenance même pour certains culturelle seulement, juste parce qu'ils ont des liens de culture avec un certain pays dont la religion est l'islam à l'origine. C'est pas ça l'islam. Hein. Le chef il dit, c'est pas juste d'avoir une pièce d'identité, hein, un passeport ou une carte d'identité qui dit la religion de cet individu est l'islam, ou d'avoir une constitution dans un pays dans lequel on dit la religion officielle de ce pays est l'islam, alors que la réalité s'oppose à qu'est-ce que l'islam demande. Hein, c'est ça ce que le cheikh explique. Il dit, tu dis que la religion, c'est ta, l'islam c'est ta religion, mais l'action que tu, les actions et les paroles que tu fais sont en opposition avec l'islam. Donc c'est pas ça que Allah demande. Et c'est pas ça que Allah aime. Wa ya'ba Allah, illa an yutimma nurahu walaw kariha al-kafirun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il va faire que sa religion, que sa, qu'il va faire que sa religion et que sa lumière va être parfaite et complète, complétée, même si cela déplaît aux non-croyants. Donc, ça c'est fondamental actuellement, parce que beaucoup de musulmans, malheureusement aujourd'hui, ils ont pris la religion juste comme une simple appartenance culturelle, et ils ont dénaturé la définition et le sens même de qu'est-ce que signifie être un musulman. D'accord? Et donc ça c'est une grave erreur. خذوا منهج الدعوة من هذا ومن وأمثاله لا تأخذوا منهج الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلان العلانية. خذوا نظام الدعوة ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الدعوة. الشيخ prenez votre منهج, votre méthode pour appeler à l'islam, prenez-le du Coran et de la Sunna, prenez-le des références, prenez-le pas de tel ou tel groupe ou tel jama'a. Il y a des groupes actuellement qui existent dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans qui se sont tracés des règles établies par le fondateur de ces groupes-là, qui disent aux musulmans, vous devez respecter ci, vous devez respecter ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça, sans aucune référence au Coran et à la Sunna. Et ils pensent que ce qu'ils appellent les gens à suivre, c'est l'islam. Alors qu'en réalité, c'est les idées de leur fondateur. Le cheikh, il dit, prenez les preuves du Coran et de la Sunna, et c'est là-dessus que vous devez prendre vos références dans le da'wah. Pas par rapport aux paroles des fondateurs de ces groupes-là ou de ces jama'at. Et ça c'est très important, parce que des fois tu es avec certains groupes ou certaines jama'at, ils vont voir que des gens font des péchés parmi eux, parmi leurs membres, même parfois parmi les membres les plus haut placés de ces groupes-là, qui font des choses contraires au Coran et à la Sunna. Après, si toi tu vas aller les voir, ces gens-là, tu leur dis, mais comment ça se fait que vous êtes en train de faire ça? Ils disent, non, il faut pas parler de ça. C'est pas le temps. Parce qu'ils sont en train de suivre des règles différentes de celles qui sont les règles du Coran et de la Sunna. Ne parle pas de ça, c'est pas le temps. Parle pas de ça, c'est pas le temps. Dis pas ça, c'est pas le temps. C'est qui est-ce qui décide que c'est le temps ou c'est pas le temps? Est-ce que c'est le Coran et la Sunna? Hein? Ou bien est-ce que c'est les règles que votre fondateur a établies? C'est lui qui va vous dire qu'est-ce que vous devez suivre de la religion. Donc c'est ça ce qui se passe parfois malheureusement. Le cheikh il dit, ثم بينا صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعوة إلى الله فقال فوالله أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق والقسم أحيانا يؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء وتوكيده ولهذا يقول الشيخ في مسائله فيه وحمر النعم الإبل الحمر جمع حمر النعم وهذا ترغيب في الدعوة إلى الله وحمر النعم الإبل الحمر جمع حمراء وهي الناقة النفيسة لأن الإبل الحمر أنفس أموال العرب فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة أو اهتدى على يديك على يدك أمة أو اهتدى على يدك أجيال تأتي من بعدك فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله. Donc le cheikh explique maintenant, il dit que il y a aussi dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il y a l'importance et le mérite de la da'wa à l'islam, la da'wa à Allah. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré en disant « Fawallah ». Donc ça c'est une parole qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure de ce qu'il dit. Et c'est lui qui est véridique. Donc, il n'aurait pas besoin de jurer pour qu'on croit en sa parole. Mais il jure, c'est pour confirmer. Et des fois, comme le cheikh il dit, parfois on jure pour montrer que la question dont on parle, elle est importante. Et pour mettre de l'emphase dessus, pour mettre de l'importance dessus. Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la vérité, il n'a pas besoin de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit quelque chose. Mais c'est pour nous faire comprendre, ça c'est important. Donc écoutez bien, il a dit, il a dit, comme on a vu, que celui qui parle, si à cause de toi une seule personne est guidée, c'est mieux pour toi que tous les chameaux rouges. Et le cheikh explique que ça c'est pour nous inciter et nous inviter à faire le da'wah pour qu'on sache que la récompense de la da'wa elle est grande, hein, lorsqu'on appelle les gens à Allah. Et yani, les chameaux rouges, ça, c'était la plus grande richesse que possédaient les Arabes à l'époque, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis il y a une autre narration de ce hadith, ou d'un hadith qui dit, si une seule personne est guidée par toi, c'est mieux pour toi que la dunya, le monde entier et tout ce qu'il y a dedans. Hein? La dunya wa ma fiha. Donc ça c'est pour faire comprendre la valeur et l'importance de cette da'wah. Et le cheikh il dit, imagine si c'est ça la récompense pour avoir guidé une seule personne. Alors imagine si tu as guidé un groupe, et imagine si tu as guidé une nation, et imagine si tu as guidé une génération au complet, ça c'est encore plus de récompense. Le cheikh il dit, هذا في فضل الدعوة إلى الله, il y a dans ça le mérite d'appeler les gens à Allah. Regarde, le cheikh il dit, انظر ماذا حقق الله من الخير بسبب الدعوة إلى بسبب دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ومن اهتدى بسببه من الأجيال التي لا تزال إلى الآن والحمد لله. ومن بركات دعوة الشيخ ابن تيمية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتلمذ على كتب الإسلام ابن تيمية على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في أمور العقيدة, فقام بهذه الدعوة المباركة. إذن ماذا يحصل للداعية الأول من الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, فكيف بالأجر الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة وإمام الدعاة, ومن يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره, فكذلك وكذلك الأئمة من بعده والدعاة الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لهم من الأجور مثل أجور من تبعهم, نسأل الله الكريم من فضله. لشيخ الزي وقعد tout ce que Allah سبحانه وتعالى a réalisé et a donné à quelqu'un de bien à cause de la da'wah du Cheikh Ibn Taymiyyah. Regardez tout le bien que Allah a donné aux gens à cause de la da'wah du Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Combien de générations, combien de générations ont été guidées à cause de lui, grâce à lui. Hein. Alors le Cheikh il dit, et jusqu'à aujourd'hui il y a les fruits de cette baraka, yani, de cette da'wah de Ibn Taymiyyah. Et parmi les baraka de cette da'wah, hein, la da'wah de Ibn Taymiyyah, il y a la da'wah de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Parce que Muhammad ibn Wahhab, il a étudié les livres d'Ibn Taymiyyah, et c'est en se basant sur ces livres qu'il a établi les principes de l'aqidah, et c'est cette da'wah-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et donc imaginez toute la récompense qui arrive à ce premier da'ya qui est appelé à la bonne croyance. Le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui appelle à une guidance, il aura la récompense de tous ceux qui l'ont suivi, sans que ça diminue rien de ses propres récompenses à lui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Imaginez la récompense du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui est le chef de tous les du'ats, et le guide de tous les du'ats, de tous ceux qui ont appelé à l'islam et à Allah. Imaginez toutes les récompenses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit. D'accord? Toutes les personnes qui sont guidées jusqu'au jugement dernier, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a la même récompense de tout ce que les gens peuvent faire jusqu'à la fin des temps. Donc c'est lui qui a pas, il n'y a pas de doute que c'est lui qui a la plus grande récompense, et il dit la même chose également pour les imams qui sont venus après lui, et ceux qui ont appelé à la vérité, qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ils auront la même récompense que ceux qui les ont suivis. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne un peu de sa grâce et de son mérite exactement comme il a donné à ceux-là. Et ça c'est pour nous inciter et nous encourager nous aussi à faire cet effort-là. Quand tu enseignes quelqu'un, à quelqu'un quelque chose dans la religion de l'islam, eh bien, et allez, cette chose-là que tu enseignes à cette personne, quand elle va le pratiquer, eh bien, par la suite, elle va, tout, à chaque fois qu'elle va le pratiquer, cette chose que tu lui as montrée, eh bien c'est toi qui as la récompense, tu as une récompense de, à cause de ça, parce que c'est toi qui lui as montré cette sunna, ou qui lui as montré cette pratique. Hein. Et donc, c'est pour ça que quand quelqu'un se convertit à l'islam, c'est quelque chose de bien de lui montrer quelque chose dans l'islam. Tu lui apprends une surah, al-Fatiha, tu lui apprends Qul huwa Allahu Ahad, tu lui apprends faire la salat. Chaque fois qu'il fait la salat, chaque fois qu'il lit al-Fatiha, chaque fois qu'il lit Qul huwa Allahu Ahad, jusqu'à sa mort, tout tu as une part de ces récompenses-là, pour lui avoir montré le bien. Hein? Chaque fois que tu dis ou que tu montres à quelqu'un quelque chose de bien dans la vie, ça revient toujours à toi, t'as une part de sa récompense. Hein? La même chose que si tu montres à quelqu'un quelque chose de mal, ou un égarement, tu auras la même punition aussi. Ça, c'est dans les deux sens. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses-là. Le cheikh il dit, فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة لله عز وجل والحكم بما أنزل الله هذه هي الدعوة إلى الله ليست مجرد انتساب أو مجرد شكليات أو مجرد شعارات ولهذا كل دعوة ترتكز على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين وهذا شيخ الإسلام عذب ومات في السجن لكن نجحت دعوته فيما بعد لماذا؟ لأنها دعوة أصيلة ترتكز على الكتاب والسنة كما قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض Le Cheikh il dit, voilà, hadafi, ad-da'wa, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu appelles les gens au livre d'Allah et à la sunna du messager et de rendre l'adoration sincère et pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et appeler les gens à juger selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, qu'est-ce que c'est la da'wa à Allah, c'est ça. Après, il dit, c'est pas juste une certaine appartenance, ou juste des formes, ou des slogans que les gens répètent. Non. Il faut que cette da'wah, elle soit basée sur des fondements, et qu'elle soit établie, et concentrée sur le manhaj correct. Et si le manhaj, la voie, elle est correcte, eh bien, elle aura le succès, cette da'wah, même si ça prend du temps. Même si ça prend du temps, même si c'est après ta mort. Des fois tu dis, toute ma vie j'ai appelé à la ilaha illallah, j'ai pas vu les fruits de ça. Mais ça veut rien dire, peut-être que toi tu vois pas les fruits, mais c'est après ta mort que tu vas voir les fruits. Le cheikh il donne l'exemple, il dit, regardez, cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, comment il a été torturé, comment il a été battu, comment il a été emprisonné, il est mort en prison, rahimahullah. Et il n'a jamais vu les fruits de la da'wah à laquelle il a appelé durant sa vie. Mais regardez par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à sa da'wah parce qu'elle était sur des fondements, elle tenait sur un fondement, hein, et elle était basée sur le Coran et sur la Sunna. Et donc, wa alaykum salam wa rahmatullah, donc le cheikh il dit, c'est comme ça, al-zabadu yadhabu jufa, hein, al-zabadu c'est quoi al-zabadu? C'est pas les choses qui sont au-dessus de l'eau? Allahu a'lam. La mousse, ouais. La mousse, hein, c'est ça? La mousse, oui, c'est la mousse, pardon. Elle part, elle s'en va comme si elle n'était jamais là. Tandis que, qu'est-ce qui est bénéfique, hein, pour les gens, ça reste sur la terre. Donc, c'est un exemple ou une parabole pour montrer aux gens que la da'wa, elle est bénéfique, elle reste pour les gens, mais celle qui n'est pas basée sur le Coran et sur la Sunna, même si elle fait beaucoup de bruit, puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour, puis qui font des marches et des démonstrations, qui sont un million devant Maison Blanche à crier, et bien regardez, après elles font, puis elles disparaissent comme si elles n'étaient. Parce que c'est juste du bruit, c'est rien. Hein? Donc ça c'est important de bien comprendre ça. Et ça c'est une leçon en même temps pour nous montrer que les imams, lorsqu'ils sont véridiques, et lorsqu'ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, quand leur vient une épreuve, que ce soit la torture, que ce soit la prison, ils patientent et ils endurent les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils endurent qu'est-ce qui vient d'Allah comme étant un test et une épreuve, hein. Ils ne vont pas se plaindre ou chercher l'aide des autres, yani, demander le support des autres. Non. Nasallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça c'est l'exemple de quelqu'un qui était ferme, hein. Cheikh Rabi, il a expliqué ça une fois dans une, on lui a posé la question à propos des gens qui disent qu'ils viennent en Occident, parce qu'ils disent que dans leur pays, ils peuvent pas, ils n'ont pas la liberté, soi-disant, d'appliquer l'islam ou d'appliquer la da'wah, et qu'ils se font soit emprisonnés ou torturés dans leur pays. Eh ben, le cheikh, il a dit, regardez Ibn Taymiyyah, regardez l'imam Ahmad, regardez l'imam Malik, regardez tous ces imams qui se sont fait emprisonner et torturer à leur époque, ils ne se sont jamais enfuis chez les kuffars pour demander leur aide ou pour leur demander de les protéger contre les musulmans. Ils sont restés parmi les musulmans, ils n'ont pas appelé les musulmans à la révolte, ils n'ont pas appelé à faire des manifestations ou des démonstrations pour dire « faites-le sortir de la prison » ou des trucs comme ça, non. Parce qu'ils croyaient et ils avaient comme principe qu'on doit obéir aux dirigeants. Et que c'est ça la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Hein? Pourquoi ils n'ont pas fait des manifestations devant la prison de Ibn Taymiyyah, et devant la prison de l'imam Ahmad, et devant la prison de l'imam Malik, et les autres endroits comme ça? Non, parce que c'est pas ça la voie. Hein? Ouais, exactement, les églises. Le prophète Hassan, il dit dans le hadith, وَإِنْ دُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. Même si on a pris tes biens, même s'il te prend, le dirigeant, même s'il prend tous tes biens, même s'il te frappe ton, il te torture, il te bat le dos, il te frappe ton dos, écoute et obéis. Hein? Tu t'appelles pas à la révolte, à la rébellion. Et si tu as des conseils à donner au dirigeant, tu lui donnes la fiha, si tu es capable. Hein? Et puis Allah, il va le juger pour l'injustice qu'il fait. Allah n'aime pas l'injustice. Allah va le juger pour l'injustice qu'il fait. Mais c'est pas à toi d'essayer de changer le mal par un mal. Hein? Donc ça, c'est l'exemple que les ulama nous ont expliqué à ce sujet-là. Après, le chef, il dit, amma da'atu dalal, hatta walau tajamhara, hawlahum mi'at al-uluf, fa inna hadha ghusa ka ghusa al-sayl, fa da'atu al-sahiha, yabqa khayruha, وأثرها على أمر الأجيال على مر الأجيال. أما الدعوة غير الصحيحة أو الدعوة المغرضة التي يقصد منها أشياء أخرى فهذه وإن تجمهر الناس حولها في وقت من الأوقات إلا أنها لا بركة فيها ولا خير فيها ولا تؤثر في الناس خيرا. Donc ça c'est la conclusion. Le chef a dit, en ce qui concerne les gens qui appellent à l'égarement, même s'ils se réunissaient autour de cette da'wa pendant quelque temps, ça c'est des gens qui appellent à l'égarement, même s'ils réunissent une tonne de monde, hein, une foule de personnes, des milliers, et bien tu vois qu'ils sont comme la mousse sur l'eau. Parce que c'est juste pour un temps. Leur da'wa, elle n'est pas établie sur rien de vrai, sur rien de solide. C'est comme quand, comme je disais tout à l'heure, quand il y a une cause, ils rassemblent les gens autour d'une cause, ou autour d'un événement politique, ou d'un événement qui se passe dans le monde, pour les réunir pour cet événement-là. Futilité. Et quand l'affaire est finie, ils oublient et ils retournent dormir chez eux comme si rien n'était. C'est pas basé, c'est pas établi sur rien de solide, rien de ferme, rien de sérieux. Hein? Hein? À chaque fois, il y a des morts, il y a d'autres trucs aussi, ils cassent tout. Et ils croient qu'en brisant tout, ils vont régler le problème, alors que c'est le contraire. Donc, ils font le désordre sur la terre. Et donc, le chef, c'est ce qu'il dit. Il dit, la da'wa, quand elle est correcte, le bien qui est dedans, il reste. Et les effets de cette da'wa, elle va continuer à travers les générations. Mais quand la da'wa n'est pas correcte, hein, comme les da'wa qui sont basées sur des intérêts matériels dans la dunya, et par lesquels on cherche autre chose que la vérité, autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, on voit que يعني elle ne reste pas, elle n'a pas de baraka et elle n'a pas d'effet bénéfique sur les gens. Hein? Et on voit que même si les gens se réunissent autour d'elle pendant quelques temps, et bien après un certain temps, elle disparaît et elle fond comme si elle n'avait jamais existé. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis on va continuer ça la semaine prochaine. بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك